That's a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, l'émission que chaque semaine on vous parle de sport de partout à travers la planète. Bon matin les messieurs. Bon matin. Bon matin Nick. Ça va bien? Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Bien. Un peu fatigué, mais la semaine de relâche commence aujourd'hui et dans mon cas, ça termine ce soir. Donc, La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de M. Philippe Doucet et de l'autre côté, Pierre-Luc Géhoux, ça va bien? Ça va très bien. Tout le monde heureux. Je veux saluer ce matin, comme tu nous as parlé un peu, les étudiants qui sont en mi-session, qui ne dorment plus, qui ne mangent plus et qui ne, qui automatiquement ne vont plus aux toilettes parce que c'est plus nécessaire, mais qui en ont plein la tête présentement avec les études. On vous salue, là, je sais pas, je suis de votre bord parce que je suis dans le même trouble. Je crois que c'est pareil pour toi, Pierre-Luc. Ben oui. On le t'offre. Tout est à la maîtrise. Toi étant moi, ça? Oui. Ben, excuse. Forcément, si vous deux vous y êtes pas, oui, oui, oui. Effectivement, okay. Je suis à la maîtrise et j'ai un travail à remettre cette semaine. OK. C'est-tu difficile, la maîtrise? Ou on n'a pas le temps d'en parler? On a le temps. C'est pas tant que c'est difficile, c'est surtout le fait que ce qu'on devrait faire au bac, c'est-à-dire lire les textes pour la plupart des gens en com, on le fait pas. Et à la maîtrise, on a pris l'habitude de ne pas le faire. Et donc, on arrive avec... On lit lentement, j'imagine. C'est ça. On arrive avec un sérieux retard. Et c'est ça. Mais c'est simplement de se remettre dans le bain puis de lire les textes. Puis d'avoir un aspect un peu critique dans tout ça. Sinon, c'est pas plus difficile que... Dans le fond, le but, c'est que tu libères le trésor. C'est ça. C'est libérer le trésor. Alors, cette semaine à l'émission, à part de mauvais chanteurs, vous allez aussi avoir le droit à le hockey des Patriotes, le sport des Patriotes de l'UQTR. On va parler hockey junior avec Pierre-Luc. On va parler du Canadien qui disputait hier un match contre les Devils et qui sont en action samedi. On va parler de soccer européen, soccer, l'impact, l'élimination de l'impact. Je suis pas mal sûr que tu vas en glisser un gros mot, mon fil. Oui. On va parler... oui, gros mot. On va parler de football canadien, football américain avec JP Grenier. On va essayer de toucher au baseball si on a le temps. Et en discussion libre, si le temps nous le permet, on va parler des coups à la tête qui sont de plus en plus fréquents dans le monde professionnel, dans le monde du sport, peu importe le sport. Il y a à peu près juste la ringuette où est-ce que c'est pas commencé et le badminton. Donc, on commence ça avec un petit peu de musique. On va aller écouter Delaware Chuck avec la chanson Le Real du Petit Minou. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est Fou! We'll be right back. vous insulte? Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Le conduit de partie. Alors, messieurs, on va parler des Patriotes de l'UQTR dans leurs différents sports maintenant. Allons-y avec le hockey, le sport principal ici à l'université. On sait, début de saison, un peu difficile pour les Patriotes. On avait échappé le match contre Nipissing. On s'est pris contre Toronto et on a perdu lors du happening Patriot par la marque de 6-2 ici au Colisée-Trois-Rivières. 6-2. Oui, 6-2. Ah oui, 6-2, c'est vrai, t'as raison, excuse. 6-2. Alors, donc on affrontait, c'était un match à une série aller-retour entre McGill et les Pats en début de saison comme ça. On se rendait à Montréal lundi, je vais vous parler de ça. Il y avait eu un match avant aux États-Unis, les équipes ont joué contre l'NCM, mais je vais en parler un petit peu plus tard. On va tout de suite parler du match entre les Pats et McGill qui s'est déroulé. Bon, ça s'est terminé par la marque de 6-3. En faveur de l'UQTR. Hey, je veux dire, pas de l'UQTR, plutôt des Redmond de McGill. Je veux dire, le match était diffusé sur SSN Canada, qui est Streaming Sports Network, qui est un bon, c'est un site internet qui diffuse beaucoup de sports de l'Ontario, de la conférence des sports de l'Ontario. Mais bon, un match à McGill, c'était la première fois que ça se faisait. Donc, j'ai pu du confort de mon salon écouter la partie au complet. Et ben, écoute, c'est une production qui est correcte, là, une seule caméra, tu sais, puis. Pas un avant-match tout, mais écoute, gratuit, il n'y a pas de frais. Ben oui. Ah, oh, c'est génial. C'est génial pour écouter ça. Donc, dans la partie, les tirs ont été de 48 à 24 en faveur de l'UQTR. Très difficile pour la période du côté des Pats. Il n'y a rien qui marche, manque d'énergie, manque de tout. Donc, effectivement, McGill en profite, vont compter deux buts. Par la suite, en deuxième période, ça s'améliore un peu. On a déjà plus d'énergie. Les Pats vont en compter deux, alors que c'était 3-0. Olivier Donovan puis Francis Charland, souvent des jeux rapides, des revirements qui vont marquer deux buts. Par contre, on finit avec la marque de 4-2 au bout de la deuxième. Marc-André Dorion qui est venu compter. Et en troisième, on en met un du côté des Patriotes. Donc, si vous comptez correctement, c'est 4-3. Il reste 17 minutes 20, une erreur défensive, un jeu crève-cœur. Ce que les Patriotes se débrouillait sans plus. Personnellement, là, j'ai pas trouvé que ça a été très convaincant, mais se débrouillait, on poussait un peu. Mais Benoît Lévesque qui est venu mettre la marque 5-3 et finalement un but dans un filet désert de Francis Véropol en fin de match. D'ailleurs, Véropol, écoute, première étoile de la partie. Il lâche pas, en plus d'énerver tous les joueurs des Patriotes. Il a été chercher deux buts, une passe dans ce match. Ça continue pour lui, vraiment, Francis. Très, très convaincant comme performance. Vois-tu, à date cette saison, 4 matchs, 9 points. 6 minutes de pénalité, il s'est calmé par rapport à l'an dernier. Où est-ce qu'il a ramassé 103 minutes de pénalité en 27 matchs. Donc, si vous faites des calculs, 4 minutes par match à peu près. Il se calme. 712 personnes dans l'Arena McConnell. Donc, début de saison des Patriotes, on est 1-3. Pas tout à fait le style de début de saison qu'on s'attendait du côté de l'équipe. C'est pas très, très... pas très encourageant, hein, disons, là, c'est pas fameux. Donc, on s'en allait aux États-Unis la veille. Écoute, je vous explique. Ben, tout d'abord, je vais vous dire le classement au niveau du top 10 masculin 2010-2011. C'est sorti, c'est le premier classement de l'année. L'Université de l'Alberta, bon, qui sont tout une des puissances au Canada, sont premiers. Les Redmond arrivent deuxième. UNB, l'Université du Nouveau-Brunswick, troisième. Saint-Effects, quatrième. Saint-Marie's, cinquième. Le hockey marche très fort dans l'Atlantique. Vraiment, ça, c'est très, très fort. On pousse de plus en plus au niveau des programmes, mais ce qui fait qu'on se retrouve avec autant d'équipes en haut, UNB, Saint-FX. Et l'autre, seule autre équipe de la OUA, c'est Western qui arrive au 10e rang au niveau des classements. Bon, ben, les Patriots sont présentement 9e au classement sur 10 dans l'Est, avec seulement 2 points en 4 matchs. Bon, okay, c'est sûr que c'est le début de la saison, faut pas capoter, ça arrive à tout le monde des mauvaises passes, c'est juste plate que ça commence avec une nouvelle, une mauvaise passe vraiment en partant. De l'autre côté, on devrait rattraper Nipissing assez rapidement, là, on a 6 matchs de jouer du côté de Nipissing, donc 2 matchs en main du côté de l'UQTR, qui, cette fin de semaine, vont affronter RMC, les Paladins. Oui, je sais, c'est pas très beau comme nom d'équipe. Les Paladins, qui sont derniers au classement, 0 victoire, 3 défaites, 1 match nul. Et l'Université de Toronto, le Varsity Blues, qui en 3 matchs, n'ont toujours pas enregistré une victoire. Donc, 2 matchs faciles en fin de semaine. On peut s'attendre à des victoires. C'est samedi et dimanche que ce sera disputé du côté du Colisée de Trois-Rivières. Le match de dimanche n'est pas au Colisée, si je me trompe pas. Oh, ben, je me suis trompé tantôt, mais il me semble que... Ça se peut. Tu m'as dit, vérifie, s'il te plaît. Il est dans le papier foil. Dans le foil, hein? Il est dans la... Je te vérifie ça. Il est à Cardin. Les écartes. Donc, la veille du match des Patriots, c'est-à-dire dimanche, on se rendait dans le New Hampshire affronter l'Université Dartmouth. Écoute, grosse game. Les Patriots ont donné vraiment tout ce qu'ils pouvaient donner. Ça s'est terminé 7-6 en faveur du Big Green. Écoute, je te dirais que si ça n'a pas été d'une performance moyenne de Jean-Christophe Blanchard, par moyenne, j'entends 5 buts sur 15 tirs. Oui, en effet, ça c'est difficile. On l'a apporté du côté des Patriotes, écoute, parce que une performance de même, c'est assez solide. On peut parler dans le match de la performance, encore une fois, Francis Charland qui continue là, d'aller chercher les grosses games, tôt du chapeau de son côté. Donc, qui aurait pu vraiment donner la victoire? Malheureusement, c'est Rob Smith, alors qu'il ne restait que 4 minutes au match, qui est venu faire le but de la victoire. Tu as des précisions là-dessus, mon film? Ça s'en vient, là, mais le score final, c'était combien contre Dartmouth? 7-6 contre Dartmouth. Si je ne me trompe pas, je crois que Jean-Sébastien a marqué. Tu m'en poses une, je te sors ça. Oui, Jean-Sébastien Breton qui... De ses propres dires, c'était un but magnifique. Oh, alors tu as des sources? Non. Eh oui. Ben, Jean-Sébastien a deux. Ah bon, un de ceux-là en était un magnifique. Deux buts pour Jean-Sébastien Breton. Donc, 7-6, on peut parler aussi de Marc-André Laroche qui a reçu une rondelle dans les palettes, dans les chiclets. Alors, était magané. Toujours la force. Fiez-vous sur moi en tant que garçon qui est passé par cette étape de se faire défoncer la bouche par un palais. C'est très difficile. Ça garantit pas une commotion cérébrale, mais ça aide beaucoup. Samedi 23 octobre, 14h, les Patriotes sont au Colisée. Et dimanche 24 octobre, les Patriotes, à 14h15, les Patriotes sont à l'Arena Claude-Mongrain. Claude-Mongrain, oui, j'ai dit Cardin. Cardin, c'est ouais. Ça. Je me mélange oui, en effet. Tout le temps. Et fermé d'ailleurs. Tout le temps. Cardin? Ouais, non? Non. Ah, OK. Non, il y a le retour du semi-pro à Cardin, la Ligue nord-américaine de hockey. Donald Brasher est venu pour l'équipe le CGI ou quelque chose comme ça, là, un autre commanditaire. Là, un autre shop de la place. Oui, probablement, là, qui fait des meubles en polymère recyclés. Avant-hier, mercredi soir, l'équipe était à Princeton pour la grande université Princeton. On disait on affronte les équipes du Ivy League, la crème de la crème américaine au niveau de la qualité éducative et académique. C'est une victoire de Princeton 5-4. Donc, encore une fois, on a donné du fil à retordre à l'équipe américaine. J'ai regardé les images du match qui était disputé au O.B. Baker Rink, qui est O.B. Baker, qui est le trophée Heisman aussi du hockey américain, collégial américain. Il y avait à peu près moins de monde qui peut en avoir au match d'un match Pee-wee 2A à Saint-Étienne-des-Grès. Pourtant, d'habitude, Princeton... C'est ça que je m'attendais, mais écoute, 250 personnes. Ah, ben ça devait être fight à Princeton. Ah, peut-être la relâche. Ça devait être leur party F1. Oui, c'était le party F1 du côté de Princeton. Et voilà. Tout le monde sait comment Princeton est reconnu comme une université de party. Donc, 5-4, on s'est encore bien débrouillé du côté des Patriotes. On peut souligner la part de Francis Charland, encore une fois, qui est venu marquer un but, deux points, deux passes plutôt. Il me semble, en tout cas. Désolé, mes sources. Charland. Ouais, deux points plutôt. Laroche aussi qui a disputé un match, donc malgré des dents à moins, là, il est venu disputer le match du côté des Patriotes. Donc ça regarde, on se débrouille encore bien, là, je dirais. On fait notre gros possible avec ce qu'on a. Je pense que c'est le type de voyage qui peut peut-être remettre les choses à leur place après un début de saison comme ça. Peut-être venir changer quelques petites choses par rapport à la façon de faire du côté de l'équipe ou du moins apprendre à se connaître. Souvent, ça peut faire des miracles. Et hier soir, l'équipe était à Cornell, la grande université Cornell, qui est probablement, le plus gros programme de hockey que les Pats affrontaient dans ce voyage-là. Le Big Red, tu as parlé il y a quelques semaines de l'attitude des spectateurs à Cornell. Vas-y, écoute. En fait, c'est ça, c'est que selon toujours les dires de ma source à l'intérieur des Patriotes, à Cornell... Dis-le que c'est un de tes chums. C'est un de mes chums, Jean-Sébastien. Mais c'est que les spectateurs, en fait, attendent les joueurs de l'équipe adverse avec un journal dans les mains. Donc, on a tous le journal, on lit le journal, les joueurs de l'équipe adverse rentrent et on peut entendre une mouche voler, tout le monde est occupé à lire son journal. Et lorsque les joueurs de Cornell embarque sur la glace, et bien là, c'est la fête, la fanfare part, les cris d'équipe et tous les journaux se ramassent sur la patinoire. Donc, j'ai dit à Jean-Sébastien, quand tu rentreras, tu arriveras avec un papier journal et tu le garocheras dans la foule. Arrive avec le Zone Campus. Ouais, faire de la promo un peu à l'extérieur. Faire de la promo, j'aimerais ça que mes articles soient lus par des gens de Cornell. D'un coup, qui font « Hey, pas si nono que ça, ce gars-là. » Ben non, t'aimerais bien trop ça, tu pourrais continuer ta carrière en anglais. Ouais, je suis pas sûr que mon anglais est assez bon. I'm not sure my English is good enough to have a career si in continue, je quitte le studio. Oui, petit indépendantiste de mes deux. OK, on sort de nos rivalités, on reste chummy-chummy ce matin. Hier contre Cornell, écoute, ça a très mal parti hier au Liner Rink. 5 buts sans réplique du côté du Big Red. Là-dessus, il y en a deux qui sont à Joe Devin. Par contre, on commence à se reprendre en deuxième. Ça, c'est 5 buts en première période. On commence à se reprendre du côté de l'équipe. Étienne Bellevance-Martin à 8 minutes en deuxième période. Et en troisième période, à 6 minutes 30 et 7 minutes 51, Alexandre Demers de retour. Alexandre Demers, disons-le, qui disputait, si je me méprends pas, c'est son premier match depuis sa blessure, son opération au genou, tout ça. Qui a compté un but? Francis Charland après ça. Francis Charland, encore une fois, 3 points hier dans la défaite. Donc, c'était rendu 5-3. Et finalement, Armand de Swart, du côté de Cornell, qui est venu faire la marque 6-3. C'est une performance encore correcte. Cornell, a été meilleur que les Patriots au niveau des tirs, 44-26. Mais quand même, disons-le, c'est correct contre Cornell. Fallait pas s'attendre à aller chercher grand-chose. Ça fait quand même 38 arrêts du côté de Blanchard. C'est quand même... Oui. Puis tu sais, on parle quand même de quelqu'un d'une équipe qui, bon, les tirs vont arriver plus vite. Il y a plus de talent. Par contre, au niveau j'ai juste le terme en anglais, mais de la forme... La forme de match, la... La game shape. Oui, c'est le mot que je veux pas dire. Je cherchais la cohésion entre les joueurs. On est en calendrier pré-saison du côté des universités américaines, donc ce qui explique pourquoi peut-être les performances sont en dessous de ce qu'on pourrait s'attendre du côté de ces différentes universités-là. J'ai malheureusement pas la foule hier à Cornell. J'aurais aimé ça savoir comment il y avait de gens et comment de journaux ont été distribués avant le match. Donc écoute, c'est ce qui conclut le voyage américain. On revient aujourd'hui du côté des Patriotes. On dispute 2 matchs en fin de semaine, on l'a dit, samedi et dimanche. Trois-Rivières samedi et Claude Mongrain dimanche, 14h pour les deux parties. Et donc c'est ce qui conclut pour le hockey. Allons maintenant au soccer. Je sais pas si tu voulais en parler, soccer, ou je m'en charge. J'ai vu Justin Tapsoba, le coach des filles, hier à la Chasse-Galerie. Et il me disait qu'il était très heureux. Je crois que les filles ont marqué 2 buts dans un match. Donc, très content quand même de la performance offensive de ces filles. Disait également, là, j'en parlais il y a quelques semaines, que la cohésion au niveau des filles puis le respect du plan de match était peut-être un peu plus difficile. Ghislain me disait que ça commence à rentrer, ça va de mieux en mieux, ça regarde bien pour ça regarde beaucoup mieux pour la saison intérieure de cet hiver. C'est à peu près ça en fait là, au niveau de ses propos. Un pas à la fois. Oui, c'est un ça. Un pas à la fois. Oui, ben, comme je disais, l'équipe est encore jeune, puis les filles se connaissent pas non plus depuis des années. Donc ça s'en vient. Écoute, on va en parler des résultats des filles. Ils se sont fait ramasser, disons-le, par Montréal, par la marque de 6-0. C'était vendredi soir. Ça n'a pas été bon. Écoute, ça n'a pas été un succès du côté des filles. La défaite va à l'affiche de Stéphanie Rousseau. Par contre, dimanche, elles affrontaient McGill, qui sont classés présentement premiers au classement général du côté des sports étudiants québécois. On pouvait s'attendre à une dégelée, mais non, une défaite, oui, mais par la marque de 3-1. Donc, probablement ce que tu parlais, Ghislain Tapsoda, qui devait être heureux de la performance quand même, 3-1, c'est une bonne performance. Le but est venu du pied de Catherine Bombardier. Tiens, c'est rare qu'on dise son nom, Catherine. Je vais en déduire que c'est une nouvelle parce que j'ai jamais vu son nom. Son premier but, je sais pas, mais c'est elle qui est venue marquer pour les Patriotes. Bon, au niveau du classement, écoute, on n'en parlera pas trop, mais les Patriotes sont bonnes dernières avec un seul point. Bishop a 4 points devant. Une année de reconstruction du côté des Patriotes. On l'a déjà dit et malheureusement, ça va se continuer comme ça, je pense, pour la fin de la saison. Les gars, de leur côté, affrontaient les Carabins l'Université de Montréal. Ça s'est terminé par la marque de 1 à 1, une nulle. On continue à aller chercher des points, à gruger des points au classement. Je vais vous parler du classement après ça. C'est assez intéressant la situation dans laquelle se retrouvent les Patriotes. Pas parfait, mais pas si mauvais que ça. Donc, le but est venu du pied de Émile Dufault-Galland, un des meilleurs joueurs des Patriotes, ouais, avec Yannick Fournier. Un des plus rapides, ouais, oh, c'est ouais, ça. Puis, très, très, très excitant à voir jouer Émile aussi. Vraiment bon. La nulle va à l'affiche de Vincent Guécoté. Donc, un seul but d'accordé. D'ailleurs, tu parlais d'Émile, talent et tout ça. C'est le Patriote de la semaine. Donc, Émile qui en est à sa troisième saison avec les Patriotes. Marqué le but, comme je disais. Il débute sa troisième année au baccalauréat en administration. Je te parle du classement maintenant. Voici quelle est la situation du côté des Patriotes. On est au cinquième rang. On a 9 matchs de jouer. 9 points, donc 2 victoires, 4 défaites, 3 nuls. Au quatrième rang, on le sait, c'est les 4 meilleures équipes qui vont accéder aux séries éliminatoires. Au quatrième rang se retrouvent les Carabins de Montréal et au troisième McGill, qui ont tous deux un match en main sur les Patriots, ce qui n'est pas une bonne chose dès le départ. Ils ont 12 points et 15 points. 12 pour Montréal, 15 points pour McGill. McGill commence à être difficile à rattraper. Par contre, je te parle la fin du calendrier des Patriotes qui vont affronter Sherbrooke. Sherbrooke, dernier au classement, c'est déjà ça. Vont aussi affronter l'UQAM. L'UQAM qui sont deuxième, c'est plus difficile. Mais ils vont affronter Concordia tout de suite après, le 31, jour de l'Halloween. On peut s'attendre à une récolte de 6 points, si tout va bien, du côté des Patriotes. On se croise les doigts de ce côté-là, que tout aille bien. Par contre, je te parlais tantôt de Montréal. Montréal va affronter Concordia, ce qui devrait leur aller chercher une victoire. Vont ensuite affronter McGill. On le sait, McGill-Montréal, si ça se termine par une nulle, ou si, et dans l'idéal, ce serait ce qui se passerait, McGill l'emporte. Montréal se retrouve dans le trouble. Il faut que McGill l'emporte ou une nulle. Si Montréal l'emporte, on est dans c'est problématique pour les Patriotes. Je pense qu'on peut oublier les séries de ce côté-là. Et Montréal va ensuite affronter Laval. Laval, premier au classement, imbattable cette année. Ont accordé seulement 5 buts en 9 matchs. Donc, on va oublier ça. J'ai dit imbattable, mais c'est pas vrai. Ils ont eu une défaite. Donc, je suis curieux de savoir c'est contre qui ont eu leur défaite. Si tu peux me sortir ça, Phil. Donc, au niveau du classement, c'est encore possible pour les Patriotes de participer aux séries. Ça va prendre un peu de chance, ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que la balle n'est pas lancée du côté de la troupe de Pierre Clermont. Et ils font bien parce qu'il y a des bonnes possibilités. Donc, écoute, c'est pas mal ce qui conclut la semaine chez les Patriotes de l'UQTR. On va aller à une pause. On va aller écouter de la musique en revenant. Weezer. J'ai décidé qu'on va aller écouter du Weezer. Et au retour, Jonathan Bernier nous parle du match d'hier du Canadien de Montréal. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'est fou, ça. À Mexico. 89.1 sur le net au cifou.ca. Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. L'inconduite de partie. Yes, sir. name is Jonas. Thank you guys. Et c'était Weezer avec la chanson My Name is Jonas Live. Écoute, c'est Pierre-Luc, c'est live de sur YouTube, je vais être super franc, ça vient sur YouTube, mais ça vient d'un spectacle qu'ils ont donné, genre dans une petite place, un petit motel vraiment solide, donc je te recommande ça amplement. Alors, ça va maintenant au téléphone avec Jonathan Bernier de ruefrontenac.com. Ça va bien, Jonathan? Ça va bien, vous autres? Ben oui. Écoute, Jonathan, on va parler du Canadien de Montréal hier qui se sont inclinés par la marque de 3-0 face aux Devils du New Jersey. Exact. Ben écoute, on s'est rendu compte que Martin Brodeur est encore en grande forme malgré son âge avancé. C'est moi où il décide tout à l'heure de jouer une coche en haut à Montréal? Ben, je sais pas. De vraiment, il y a une petite motivation supplémentaire, là. Dans mon texte, là, je sais pas si t'as lu, mais j'écrivais que c'est peut-être à cause de son père, là, qui est toujours assis dans la première rangée, à peu près au cercle des mises au jeu avec sa caméra, là. Non, mon père, il venait me voir jouer au hockey, puis je jouais pas comme ça pareil, là. Tout ça, ah non? Ah, ben lui, dans son vedettariat, là. Ouais, il y a peut-être une petite coche de plus. Non, mais c'est ça. Toujours son meilleur à Montréal. Il y a un cinquième jeu blanc au Centre Bell. Évidemment, on sait que c'est un 112e en carrière. Là, c'est assez spectaculaire. Est-ce que c'est un record? Lequel? Non, c'est qui détient le record? C'est George Ainsworth. Ça, c'est dans une saison qu'il en avait fait 22. Dans une saison, il en avait fait 22. Oui, exactement. Mais le record en carrière? C'est... En carrière, c'est Martin Gilla avec 112. Il a battu, c'est l'an dernier ou l'autre année d'avant, là, qui est Terry Sawchuk qui en avait 103, si je ne me trompe pas. OK, Terry Sawchuk. Ah oui, je me souviens que ça avait été battu... de façon brillante du côté de Patrick. Oui, exact. Donc, ben c'est ça. Fait que, écoute, Martin, encore une fois, a donné le ton dès le départ avec quelques arrêts assez brillantes, là. Puis même, malgré tout, même si le chiffre de lancer de 29-20, je dirais que ça a été pas mal le seul temps où il a été occupé. Après ça, les lancers venaient pas mal de l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de lancers dangereux. Mis à part, je sais pas si vous avez remarqué à un moment donné, quand il a perdu son bloqueur, je sais pas si vous avez vu ça. Non, malheureusement, avec la fin de session, on n'a pas le temps d'écouter du hockey. Ben, moi, j'ai pris le temps. Ouais, moi, je l'ai vu. Tu l'as vu? C'était assez hasardeux. Puis on voit que Brodeur, c'est le genre de gardien prêt à faire tout pour gagner. Là, pour expliquer Nicolas, il a perdu son bloqueur à un moment donné pendant que le jeu circulait autour de son filet. Okay. Puis là, il y avait Gianta et Camilleri qui étaient à proximité de lui. Puis il continuait à faire des arrêts pareils. Puis à un moment donné, la rondelle est tombée devant lui. Puis il s'est jeté sur la rondelle avec la main nue. Alors que les autres, ils s'en venaient pour picosser, si on veut, là, pour essayer de faire passer la rondelle. Puis lui, sans hésitation, la main nue sur la rondelle. Excellent pour les phalanges. Oui, tout à fait. Puis, mise à part Brodeur, ben, c'est ça, on a vu un peu que le style de jeu de Jacques Lemaire, même si lui n'est plus là, ça continue. Je pense que la philosophie est encore là parce que du moment que les Devils ont pris devant 2-0, on a vu que le jeu a commencé à se refermer. La zone neutre là, était pratiquement inaccessible. En tout cas, seulement le long des rampes, on voyait que le jeu était suffisamment hermétique là, pour empêcher le Canadien de créer quelques jeux que ce soit. Et puis, à propos de ça, ben, Brodeur, après la rencontre, a dit qu'il y avait assez de joueurs de talent dans cette équipe-là pour ne pas être obligé d'ouvrir le jeu inutilement. On sait qu'ils ont eu des problèmes en ce début de saison. Là. C'était seulement leur deuxième victoire. Puis, fait à noter, ça fait deux victoires puis deux par blanchissage. Donc, ça va prendre. C'est comme si ça prenait absolument un blanchissage pour l'emporter. À Buffalo, il avait gagné 1-0. Donc, Martin n'a pas toujours le coussin nécessaire pour garder les buts là, de façon à l'aise. Là. Mais en tout cas, il est capable de faire le job pareil. Penses-tu que c'est une adaptation au nouveau style de John McLean ou c'est tout simplement un mauvais début de saison? Déjà, Kovalchuk qui produit pas la valeur de son contrat, là, mais ouais, c'est pas ben tout. En même temps, ce qui aide pas, c'est qu'ils ont une brigade défensive assez décimée par les blessures. Okay. Puis je pense qu'hier, là, je me trompe pas, il y était quatre défenseurs qui avaient joué à peine quelques matchs dans la Ligue nationale au cours des années passées. Donc ça, c'est sûr que c'est rien pour aider. Puis il y avait le fameux problème de plafond salarial là, qui ont réglé à cause de la blessure de Brian Rolston finalement la semaine dernière. Là, ils ont été deux ou trois matchs à jouer à 15 joueurs plus les deux gardiens. Fait qu'à ce moment-là, donc tu dois avoir le souffle court rendu en troisième période. Penses-tu qu'il devrait avoir comme une quelque chose dans la convention collective, une provision, un espace de, je sais pas, moi, 500-600 000 $ en cas d'urgence, ou est-ce que on n'est pas capable d'habiller 20 joueurs, ou ça serait qu'à un moment donné, il faut se discipliner, puis de toute façon, gars, écoute, si t'es pas capable d'être d'être de faire ton cap là, tu le feras jamais, on n'est pas pour t'en donner plus. Ben ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaierait de le contourner. D'ailleurs, M. Lamoriello nous a fait une belle preuve cet été. Oui. Donc oui. Fait que c'est sûr que écoute, le plafond est là pour être respecté, puis c'est la raison pour laquelle il est là, sinon il y aurait des écarts de conduite, puis ça pourrait permettre à certains de tirer avantage de tout ça. Parce que là, si ça continue, ça va être comme dans la Ligue américaine, où est-ce qu'on joue avec deux attaquants de moins et un défenseur de moins. Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, au début de la semaine, justement, là, on parlait de ça avec les joueurs du Canadien, puis on a posé la question, là, tu sais, advenant que les Devils aient eu du succès avec cette stratégie-là, de jouer à trois lignes d'attaque, pensez-vous que ça aurait pu donner des idées aux autres équipes, justement, d'habiller juste trois lignes d'attaque pour ménager sur les dépenses en salaire? T'sais, on connaît un peu les propriétaires, c'est comme n'importe quel propriétaire de business, ça veut toujours faire le plus d'argent possible là, et puis économiser. Fait que les gars, on se dit, oh, je sais pas, ça va donner des idées aux propriétaires, mais nous autres, on n'aimerait pas vraiment ça. Là. C'est sûr que on veut toujours avoir plus de glace, mais jouer à trois trios, selon eux autres, les saisons seraient difficiles. Oui, puis il y a peut-être le fait que, d'un autre côté, jouer à ça ou jouer comme dans la Ligue américaine, ça donne ton joueur supplémentaire qui est sur ton quatrième trio. C'est un peu comme le batteur au football. Ouais, ça peut être ton joueur d'utilité. Tu sais, tu rentres Marc-André Bergeron dans cette condition-là. Il joue 2 minutes par match, mais tu le mets sur le jeu d'avantage numérique. Puis c'est lui qui lui qui a mis entre les poteaux comme au football. Je pense pas que l'association des joueurs accepterait ça. Non, c'est ça. Non plus, c'est sûr, c'est plus. Sûr. Parce que c'est combien de joueurs? Deux joueurs de moins par équipe. Faites le calcul. Fois 30 équipes, fois le salaire moyen de la Ligue nationale. Disons 700 000. Mettons 700 000 pour... C'est des redevances qui sont pas là, là. Tout à fait. Puis c'est des jobs de 60 jobs de moins, au moins. Oui, minimum. Fait que c'est sûr que ça passerait pas. Juste pour revenir sur la brigade défensive des Devils, hier, ça a été une occasion en or pour le jeune Olivier Magnan, 24 ans, un petit gars de Sherbrooke, de jouer son premier match dans la Ligue nationale. Premier match en Ligue nationale, premier match à Montréal. Disons que pour lui, ça a été un beau cadeau, un beau baptême. Puis ça a été également un beau geste de la part de John McLean de le faire jouer en partant. Comme ça, on a chassé les papillons dès le départ, puis on était prêt pour faire un bon match. Puis la preuve que le jeune est encore sur un nuage, hier, on est allé lui parler, puis on lui demandait comment c'était de jouer à la défense pour les Devils, puis... La façon qu'il a répondu, il dit, vous savez, Martin Brodeur, c'est une légende, fait que jouer devant lui, c'est pas un problème. C'est juste de voir qu'il y avait encore l'espèce de d'illusion ou de rêve de jouer dans la Ligue nationale, même s'il l'avait déjà fait. C'était spectaculaire, c'était spécial. Ben, tu sais, lui, à cet âge-là, quand tu commences comme ça, c'est les gars que t'as idolé, que quand tu jouais dans la rue, t'étais... Moi, j'étais Joe Sakic, puis l'autre, le gardien, c'était Martin Brodeur. Mais là, tu prends des tirs où tu joues à la défensive de Martin Brodeur. Ça doit être quelque chose qui, comme tu dis, te donne des papillons, puis t'en as pour ton premier chiffre, là, disons-le de même. Ça doit être un petit peu plus difficile. Là. Les jambes doivent être mal de son côté. Ouais, mais il doit quand même avoir bien dormi hier soir parce qu'il a bien fait. Il n'y a pas à rougir de sa performance. Il a joué un peu plus de 16 minutes. Fait 3 mises en échec, un tir au but, puis il a même fini avec +1. Donc, ça a bien été pour un premier match. Ben, content pour lui. Ce qui a peut-être moins bien été, c'est de notre côté, du côté du Canadien, le premier trio. Jacques Martin a essayé de faire... Il continue son jeu de chaise musicale, là, il tente ses expériences. Là, hier, c'était au tour de Tom Payet de jouer avec... je parle du premier trio, on s'entend là, que c'est le premier ou le deuxième, là, on le sait plus trop. Là. Hier, c'est au tour de Tom Payet de jouer avec Scott Gomez puis Brian Genta. L'an dernier, ils avaient joué quelques matchs ensemble là, vers la fin de la saison, puis un peu en série. Ça avait été relativement bien. Mais hier, par contre, là, ça a été difficile. Il y a eu une belle chance de marquer dès le départ. Là, ça a tourbillonné, puis Genta a eu la rondelle sur la palette là, dans l'enclave. Il a décoché un bon tir. Ça a donné un bon coup, mais après ça, là, ça a été, sans dire désastreux, mais ça n'a pas eu les résultats escomptés. Là, ça a été assez tranquille. Fait que là, on tombe à la question qui on met là, maintenant. Là, c'est au tour de qui là, on a eu Pouliot, Moen, Payet. On a vu en fin de match, Gomez et Genta avaient été séparés. On avait Gomez avec Camilleri puis Lapierre. Oui. Puis Plekanec jouait avec Genta et Costitine. Oui. Ça pourrait être intéressant, peut-être, de justement là, séparer les deux acolytes. Ça pourrait être intéressant. Le seul point négatif, c'est que les Canucks et Camilleri vont quand même bien ensemble. Ouais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, là, tu peux pas avoir juste un trio qui fonctionne. Donc, oui, cette option-là, je pense qu'elle est intéressante de séparer Jonte et Gomez pour peut-être donner un nouveau souffle à leur jeu ou à leur saison, même si on est juste au septième match. Et si jamais on laissait Jonte et Gomez ensemble, là, j'essayais de voir qui on pouvait mettre à gauche. J'ai pensé à Lars Eller, que tout le monde doit avoir pensé à lui. Le problème que je vois avec lui, c'est que ça serait trois joueurs offensifs. Pas personne pour aller chercher des rondelles dans le coin. Donc, est-ce que ça serait efficace? J'ai un petit doute là-dessus. Après ça, j'ai pensé à Mike Camilleri. Mais là, ça revient à la même chose. Ils l'ont fait un peu l'an dernier. Puis, ça serait mettre tous les œufs dans le même panier, finalement, encore une fois. On ramènerait, c'est-à-dire que les Canucks seraient tout seuls avec Costitine, puis je sais pas qui pourrait jouer là, en leur compagnie. J'ai pensé à Maxime Lapierre, oui. Mais là, l'autre problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de droitier, à part Gomez qui est au centre, on se ramasserait avec deux gauchers. L'éternel problème de droitier. Ouais. Il faudrait probablement aussi envoyer Gianta à gauche, dû au fait que Maxime Lapierre, quand même, à l'aile droite, connaît quand même un bon succès, puis il vient, on dirait, de s'installer un peu confortablement à l'aile droite. Exact. Puis je pense que Jonta a suffisamment de talent pour jouer d'un côté ou de l'autre. Fait que de ce côté-là, ce serait peut-être un moindre problème. Parlons-en rapidement, là, mais la saison de Maxime Lapierre, écoute, je préfère sa saison à date cette année que sa saison de son émission de télé. Là, ça va très bien là, de son côté. Ben oui, mais là, sa maison est complétée. Là, ouais. Il veut se concentrer exclusivement au hockey. Non, mais il est arrivé en pleine forme cette année. Écoute, l'an dernier, il traînait une blessure à la cheville là, de la saison précédente, si je ne me trompe pas. Fait que ça a été un départ assez difficile. Il n'a jamais réussi à prendre son rythme de croisière. Tandis que là, cette année, il est arrivé en pleine forme. Cet été, apparemment, il a travaillé très fort. Il a suivi, entre autres, des cours de boxe. Il a suivi un programme spécialisé là, pour augmenter la puissance dans ses jambes là, pour les départs, si on veut, puis les explosions. Donc, je pense que ça a porté fruit parce qu'effectivement, il connaît quand même un très bon début de saison. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ce trio-là? Est-ce qu'on ramène Pouliot? Pouliot, écoute, c'est Pouliot, c'est tellement un match sur trois que t'as besoin de quelqu'un qui... En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est quelqu'un qui est très constant sur mes deuxièmes trios, sur mes deux premiers trios, plutôt. Si on laisse pas la chance au jeune Eller, quand est-ce qu'on va y laisser? C'est sûr que je préfère le voir au centre parce que c'est sa position naturelle, mais... Un jour, faut donner la chance aux jeunes, quitte à subir certaines erreurs ou certains problèmes, mais peut-être lui laisser justement un 4-5 match pour prendre sa vitesse de croisière un peu, comme quitte à ce que ça aille moins bien, mais pour laisser un peu de confiance puis laisser s'habituer. Jacques Martin a quand même l'air très hiérarchique. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, on se demandait un peu justement la même chose, là, qui allait compléter Gomez et Gianta avant que Pouliot arrive. Puis les joueurs qui allaient les rejoindre, ils allaient vraiment dans un ordre quand même assez hiérarchique. J'ai eu cette réflexion-là. Peut-être est-ce que le fait que Lars Eller vient d'arriver, on veut pas nécessairement le faire passer devant d'autres joueurs. Je sais pas. Si c'est le cas, c'est peut-être pas la meilleure idée de Jacques Martin. Également, ben en même temps, il y a toujours l'option de couper le banc. Puis à ce moment-là, ben de pouvoir faire jouer justement Camilleri puis Costitine sur deux trios qui pourraient venir compléter peut-être Gomez Gianta ou essayer à l'air. Mais comme tu dis, Jonathan, là, ça fait en sorte qu'on a trois joueurs très offensifs puis on n'a plus de retour. À moins que Gianta, je sais que Gianta est quand même assez intéressant dans ses retours en défense, mais il est toujours le premier aussi en avant du gardien. Fait que s'il faut qu'il soit toujours le premier aussi dans la zone défensive, à un moment donné, on va le brûler. Même on dit souvent que Gianta, le genre de joueur, a manqué de jus en fin de calendrier, début des séries éliminatoires. Puis si on fait ce qu'on vient de dire, c'est sûr qu'il va arriver fatigué, rendu en mars, rendu en avril. Il se donne vraiment, donc il laisse rien là, dans le réservoir. Fait que peut-être qu'en fin de saison, il serait effectivement insufflé. Moi, je sais pas si l'expression est bonne, là, mais j'ai peur qu'on revienne. Je pense qu'on va revenir avec Pouliot du côté de Jacques Martin. Là, à moins qu'on essaye Lars Eller, mais j'aime l'observation là, disant que c'est vrai qu'il est très hiérarchique. Là, il va peut-être attendre un petit peu plus longtemps avant d'envoyer le jeune sur l'une des deux premières unités. Mais depuis qu'il joue quand même sur le troisième, ou en tout cas sur le trio défensif, Pouliot, je sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble qu'il est un petit peu plus impliqué dans le jeu, dans les coins de patinoire. Ouais, ouais. Je sais pas s'il a compris quelque chose, Mais j'ai l'impression que son jeu est un petit peu plus inspiré. Puis d'ailleurs, si vous regardez dans la colonne des mises en échec, vous allez être surpris de voir que c'est lui qui domine chez le Canadien. Ils sont pas forts, mais ils sont là. Ils sont pas forts, mais ils sont là. Moi, on m'a déjà dit, quand tu fais une mise en échec, c'est pas pour sortir les gars de tes patins nécessairement, c'est pour récupérer la rondelle. C'est même, je dirais, c'est ce qu'on n'apprend pas assez aux jeunes ici. C'est vrai. On leur apprend tellement tard à faire la mise en échec que leur but, souvent, on va dire, c'est de dévisser la tête de l'adversaire au lieu de jouer de la mise en échec défensive qui va le stopper. Mm-hmm. Donc, ça. Hey, Jonathan, André Markov sur le bord de retour. C'est bon pour mon pool de hockey, ça, là? Oui, bien, ça devrait se faire cette semaine. Là, l'entraînement, la semaine qu'on termine aujourd'hui, là, il a fait des tours réguliers là, avec différents défenseurs. Il a participé aux entraînements là, de façon normale, là, intensive. Donc, d'après moi, ça devrait se faire cette semaine, d'autant plus que le Canadien amorce une semaine assez éreintante. Si on compte le match de demain soir à Ottawa, ça va leur faire une semaine de 5 matchs en 7 soirs. Donc, d'après moi, le retour de Markov ne sera pas de trop. Ça va permettre à notre ami Spacek de retrouver un poste ou en tout cas un temps de glace qui lui convient peut-être c'est un peu mieux. C'est difficile pour Spacek. Oh! Ouais, disons que, écoute, c'est 35 ans, là, je pense que ça commence à lui tomber dans les jambes pas mal. C'est, j'en reviens pas. J'aimais ce joueur-là avec Buffalo, puis je me disais, bon, ben, tu sais, il va venir justement complémenter Markov. L'année passée, OK, muté à gauche, un peu plus difficile. On va comprendre, on va lui laisser sa chance. Là, cette année, il est pas présent au camp d'entraînement, à peu près 3 mentons en trop. Mm-hmm. Puis il se fait déculoter à tous les matchs par la même feinte. Une feinte à tombe, là. Ouais, voilà, la cuillère. Ah oui, c'est la première feinte que tout le monde apprend à faire. La cuillère dans la tasse de thé, là. Exactement. Solide. Ben, c'est ça. Donc, lui, il va pouvoir tourner à un poste de cinquième défenseur, puis avoir un temps de glace, là, de je sais pas, une quinzaine de minutes, là. Fait que ça va peut-être lui donner un coup de pouce de ce côté-là. Juste une petite statistique à propos de Markov, là, pour prouver que son retour va probablement faire du bien. Je suis pas remonté là dans les 4-5 dernières années là, parce que l'impact de Markov était pas le même. J'ai juste reculé à l'année dernière, puis au début de saison de cette année. Avec Markov dans l'alignement, le Canadien montre une fiche de 25 victoires, 13 défaites, 7 défaites en prolongation ou fusillade. Et quand Markov est pas là, c'est 17 victoires, 22 défaites. Et puis 4 défaites en prolongation ou tir de barrage. Pas pour rien qu'il est le meilleur joueur de l'équipe, hein? Pas pour rien qu'il est le meilleur joueur d'équipe. On dit souvent qu'un joueur fait pas une équipe, mais dans son cas, il aide en maudit. Il aide en maudit parce que si je donne les statistiques à ce part maintenant du l'avantage numérique, encore une fois, là, je pars avec la saison dernière. Sans Markov, c'est 22 en 130 pour un pourcentage de 17%. Et avec Markov, c'est 36 en 148, ce qui donne un 24% de réussite. Ça sera pas de tort, ça fera pas de tort quand il va revenir justement sur l'avantage numérique du Canadien, parce que pour l'instant, c'est assez amorphe. Assez amorphe, là, on a rendu avec c'est 1 en 20, si je ne me trompe pas, donc 5%. C'est assez difficile. Mais en contrepartie, au moins le désavantage numérique va bien. Ben ouais. Là, il faut s'encourager avec quelque chose. C'est ça. Si ces deux vont mal, on serait pas là au classement, on serait pas mal plus bas. Ce qui arrive aussi, c'est les Canadiens, la philosophie de Jacques Martin, c'est le concept de team toughness, là, l'esprit d'équipe. Il n'y a pas de tough dans l'équipe pour défendre les autres. Lui, il va avec le principe de, bon, on se tient tout en gang, puis un défend à l'autre. Là. Dans ce temps-là, quand tu as ce principe-là, souvent, ça te prend un excellent avantage numérique pour faire payer l'adversaire. Si tu peux pas le faire payer en le faisant réfléchir, en allant voir le joueur adverse qui vient de faire un coup salaud, puis avec une bataille ou quelque chose dans ce genre-là, il faut au moins que tu le fasses punir. Il faut au moins que tu le punisses en réussissant à capitaliser sur les avantages numériques pour qu'il pense un petit peu plus là, avant de faire quelque chose de plate à tes bons joueurs. C'est bon. En terminant rapidement, Jonathan, ta prédiction pour cette fin de semaine contre Ottawa. Ça va-tu être un peu le même style de match que la semaine passée ou? Je pense que ça va être sensiblement pareil. J'ai l'impression que le Canadien va encore gagner à Ottawa. Les Sénateurs connaissent un début de saison très difficile. Particulièrement l'ancien. Le 27. Oui, ouais, notre cher Alex Kovalev qui croupit. Moi, je pensais que c'était temporaire, là, le quatrième trio. Non, non. C'est le temps de l'échanger contre Pouliot. Oui, c'est ça. Ben, si je vais un petit peu plus loin, si je parle de l'ensemble de la semaine, là, c'est une excellente occasion pour le Canadien de se donner un swing de départ. Là. Après Ottawa, ça va être Phoenix lundi, deux fois contre les Islanders, mercredi, vendredi, puis samedi, on finit la semaine contre les Panthers. C'est surprenant de voir les Islanders au premier rang de la division Atlantique. C'est même inquiétant, moi, je dirais. Selon moi, c'est temporaire. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis pas très, très impressionné, puis que je pense que le Canadien devrait profiter de cette semaine-là pour remettre toutes les choses en place. Puis se donner un bon départ là, pour jusqu'au fight. Aller chercher 3-4 points de plus qui vont être utiles en avril. Ouais, il y a possibilité de coller une séquence là, aussi. Oui, c'est ça. Là. C'est ça. C'est une petite séquence de victoire, ça fait toujours du bien. Puis j'imagine qu'entre-temps, on va voir, pendant ce temps-là, on va peut-être voir un premier départ pour Alex Hold. Oui, il est temps, hein, parce que Carey va se fatiguer un moment donné. Mais Carey, en tout cas, à date, la terre promise, ça semble arriver. Là. Ben écoute, je pense qu'on n'a rien à lui reprocher depuis le début de la saison. Hier notamment, là, trois gros arrêts consécutifs là, de changement. A été nommé troisième étoile par les fans maintenant. Ouais. Hein, donc c'est ça. Là, il est retombé dans le cœur des fans, là. Ça, ouais. Ça fait au moins ça. ça va y aller. Effectivement, hier, on n'a rien à lui reprocher. Trois buts chanceux, si on veut. Il a fait des bons arrêts de la mitaine, entre autres. Je me souviens plus contre qui, là, mais ça, disons que la mitaine a sorti assez vite. Il y a eu un déplacement à un moment donné, je pense que c'est contre Parisé, là, un déplacement latéral, le but était ouvert, puis il est revenu juste à temps. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie dans son cas. Puis aussi, écoute, depuis le début de la saison, le Canadien, je pense que c'était le statut de premier match hier qui se finissait pas avec une différence d'un but. Pas loin, là. En tout cas, c'était le premier ou le deuxième, là. Mais ça, c'est des matchs que Carey Price perdait l'an passé, puis cette année, jusqu'à présent, là, il a réussi à faire les arrêts qui permettent aux Canadiens de l'emporter. Ben c'est bon ça. Hey, je te remercie beaucoup, Jonathan. Il n'y a pas de problème. En terminant, je veux te dire, féliciter HarryFrontenac.com pour votre force de travail et votre rigueur et votre façon. Alors, je sais pas votre combat, on est de votre bord. Merci beaucoup. Puis juste en passant, après jeudi qui vient, oui. On sort notre première édition de HarryFrontenac papier. Papier. Est-ce que ça va être disponible un peu partout au Québec? Comment vous allez procéder? Ben alors, là, on commence la distribution dans la région métropolitaine pour commencer. On comprendra qu'on n'a pas suffisamment, on n'a pas les moyens encore d'envoyer des camions de distribution ailleurs. Mais si ça va bien, j'imagine que ça tardera pas à agrandir le cercle de distribution. Puis même si on est en version papier, là, on continue de faire notre site internet. Donc ceux qui n'auront pas la chance de recevoir l'édition papier entre les mains, vous êtes toujours les bienvenus pour aller cliquer sur nos textes sur rufrontenac.com. Ben, ça nous fait plaisir. Allez, passez une belle journée maintenant. Merci, vous aussi. C'est bon. Bye-bye. On s'en va en musique. On va aller écouter Atomic Baobab avec la chanson Bombe cérébrale. Au retour, Pierre-Luc Giroux nous parle de hockey junior. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. Yeah. C'est fou, ça. 89.1. Tu dis que ça nous donne le goût de danser, hein? Oui. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Bonjour, je suis Michael Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. Et on est de retour à l'inconduite de partie. On y va tout de suite avec la collègue du hockey junior majeur. Pierre-Luc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, on va commencer avec les Cataractes de Shawinigan. La semaine dernière, vendredi dernier, qui avait un match très important. On affronterait les puissants Remparts de Québec, la troupe de Patrick Roy, qui n'avait toujours pas perdu depuis le début de la saison. Eux qui avaient une fiche de 9 victoires et une défaite en fusillade. Donc, c'était un gros défi pour les Cataractes de Shawinigan, mais je pense qu'ils se sont quand même très, très bien débrouillés. Ça a été un match très serré. Ça s'est terminé pour la marque de 3-2 pour les Remparts de Québec, mais faut quand même pas dénigrer la performance des Cataractes, parce que ça a très bien été. C'est seulement à la troisième période, alors qu'il restait 18 secondes de la fin, que les Remparts ont compté le but victorieux. C'est Alex Ward, un ancien junior de Montréal, qui a donné la victoire aux Remparts de Québec. Donc, c'est certain que l'entraîneur-chef Éric Veilleux était très, très déçu de ne pas voir les Cataractes repartir avec minimum un point, parce que ça s'est quand même passé, comme je l'ai dit plus tôt, à 18 secondes de la fin. Mais c'est ça, je pense qu'on peut quand même être fier de la performance des Cataractes qui ont joué une excellente partie contre une des grandes puissances de la Ligue. Donc, je pense que les Cataractes... N'ont rien à s'approcher, mais c'est certain qu'avoir un petit point, là, ça a été très décevant pour partir avec un point minimum là, contre les puissants Remparts après le match qu'ils ont joué. La grande vedette du match, c'est Jonathan Audi-Marchessault, l'attaquant des Remparts de Québec avec un but et deux passes. C'est lui, justement, qui est le premier marqueur en ce moment des Remparts de Québec. Ça va très bien pour M. Audi-Marchessault. Les buteurs du côté des Cataractes de Shawinigan, Gabriel Lemieux et Yannick Veilleux ont chacun compté un but dans la défaite. Et la première étoile du match, Louis Domingue, le gardien de but des Remparts de Québec, qui va très bien lui aussi depuis son retour là, du côté du junior. 36 arrêts dans la victoire. Gabriel Girard aussi a très bien fait. Gabriel Girard a quand même récolté la troisième étoile du match. Lui qui a fait 32 arrêts. Donc, Girard, très bonne performance là, contre les puissants Remparts de Québec. Donc, mercredi, ensuite, on était du côté de Lewiston. On était du côté de la côte. De l'autre côté, oui, c'est ça. De l'autre côté, carrément, des frontières. Donc, du côté de Lewiston, et ça a très bien été pour les Cataractes de Shawinigan. Une grosse victoire de 6-0 sur les Maniacs. Les buteurs sont Jean-François Plante. C'est gâté, là, Jean-François Plante. Là. Justement, qui affrontait son ancienne équipe. Deux buts dans la victoire. C'était lui la première étoile du match. Loïc Poudrier, Benjamin Cazavant, Dave Labrec et Marc-Antoine Goyette sont les autres buteurs des Cataractes. Le capitaine Michael Bournival a aussi eu trois aides dans la victoire. Très bon match là, pour le capitaine. Et Gabriel Girard, c'est encore lui qui était devant les buts. 31 arrêts là, dans la victoire. Et on affrontait du côté des Maniacs, leur gardien de but, c'était André Makarov, le deuxième gardien de l'équipe. Lui qui est le secondaire de Nicolas Champion, un des meilleurs gardiens en ce moment de la Ligue. Donc, les Cataractes qui terminent la semaine avec une fiche de une victoire, une défaite. Donc ça donne un total de 7 victoires, 6 défaites et une défaite en fusillade depuis le début de la saison, un total de 15 points. On a glissé au quatrième rang de la section TELUS Ouest derrière les Foreurs de Val-d'Or qui ont maintenant 3 points de plus qu'eux avec un match de plus de jouer. Mais quand même, les Cataractes qui ont glissé au quatrième rang malheureusement. Et il y a eu quelques petits changements aussi du côté des Cataractes de Shawinigan. Tout d'abord, c'est au début de cette semaine ou mercredi, je crois, Nicolas Larocque-Marcoux qui a été changé du côté des Foreurs de Val-d'Or contre un choix de sixième ronde en 2011. Et là, ce matin, on apprend là que Michael Claffé a été remercié par l'équipe. On va lui quand même lui donner un temps de réflexion. Michael Claffé qui désirait avoir plus de temps de glace et s'assurer une place dans l'alignement à tous les matchs. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas pour Éric Veilleux, l'entraîneur-chef, qui ne pouvait pas là, dans le fond, lui garantir sa place à tous les matchs. Ce qui arrive avec Claffé, c'est qu'on voulait qu'il compte, puis c'est pas ce qui se faisait tout le temps, donc... Quand tu demandes une chose à un joueur, puis c'est pas ça qui se passe, ben c'est comme n'importe quel employeur. Tu fais pas la job. Et voilà, je peux pas te mettre tout le temps. Je te fais pas confiance assez pour ça. Ouais, donc, ben Claffé qui est quand même 18, 19 ans, je crois. 19 ans, je me trompe. 19 ans, donc 5e, 6e défenseur, 19 ans. Je pense qu'on y aurait pu... On veut préparer le chemin pour d'autres pour l'an prochain. C'est en plein ça. Donc, le premier marqueur de l'équipe, Yannick Veilleux, qui a 8 buts, 7 passes. Et Maximilien Lessard qui suit derrière avec 12 points, à égalité avec le capitaine Michael Bournival. Donc, ce soir, les Cataractes de Shawinigan qui reçoivent la visite du Rocket de l'île du Prince-Édouard. On va encore une fois avoir des retrouvailles entre des anciens joueurs. Tout d'abord, Benjamin Casavant qui retrouvera ses anciens coéquipiers du Rocket de l'île du Prince-Édouard. Et tandis que Philippe Paradis et Jean-Laurence Beauchemin reviendront là, du côté de Shawinigan. Philippe Paradis qui a chaussé les patins des Cataractes pendant 3 ans. Donc, retrouvera ses anciens coéquipiers. Ce soir, selon lui, là, ça va être... pour l'instant, il s'en promet, ouais. Ouais, pour l'instant, il était pas trop stressé, mais il dit que qu'il revoit là, les personnes là, qu'il a côtoyées depuis 3 ans. C'est sûr qu'il va avoir des bons souvenirs qui vont lui revenir. Donc, et ce soir aussi, petite exception, les Cataractes ne seront pas vêtus de jaune et de bleu quand les Cataractes ce soir arboreront le chandail rose pour la fondation du cancer du sein. Donc, ne surprenez-vous pas si vous voyez les Cataractes en rose. C'est pour la Fondation du cancer du sein. Et demain, ça sera vendu là à l'encan. Donc, bien sûr, les profits seront remis à la Fondation du cancer du sein. Demain soir, c'est les Drakkars de Bécomo qu'on reçoit du côté du Centre Bionès. Maintenant, on va passer aux Voltigeurs de Drummondville qui, eux... tout d'abord, recevait la visite des Foreurs de Val-d'Or. Ça, c'était vendredi soir. Ont été défaits, malheureusement, là, 5-3 contre les Foreurs. Les Foreurs qui commencent à monter, à montrer des dents depuis quelques matchs. Je vous disais que ça va très bien. Commence à forer du côté des Foreurs. Ouais, c'est ça, ça en plaît. C'est le terme, là. Ouais, t'aurais pas pu dire mieux, je pense. Jonathan Hazen a été la grande vedette du match avec 1 but et 2 passes. Jean-François Leblanc, quant à lui, a 2 buts et 1 passe. Et on l'a surveillé aussi, là, Sean Couturier qui a joué un très très bon match. 1 but, 2 passes quand même dans la défaite de son équipe. Donc c'était une première défaite des Voltigeurs de Drummondville. Ensuite, du côté de Drummondville, on recevait les Olympiques de Gatineau. Ça, c'était samedi ou dimanche. Je n'ai pas l'information avec moi. J'ai un blanc. Je te sens ça. Dimanche, ils recevaient les Olympiques de Gatineau. Ça a été une victoire facile pour les Voltigeurs de Drummondville qui l'ont apporté facilement par la marque de 7-1. André Pala a été la grande vedette du match. 2 buts, 3 passes là, pour Monsieur Pala. Donc, ça a très bien été pour lui. Ça a été un très bon duel de gardiens. C'était Maxime Clermont contre Guillaume Nadeau qui était devant les buts. Mais Maxime Clermont n'a pas su bien représenter tel que normalement il se présente. Quand même, a accordé 7 buts là, aux Voltigeurs de Drummondville. Donc, les Voltigeurs de Drummondville... C'était dimanche, en effet. C'était dimanche, oui, c'était bien ça. Donc, les Voltigeurs de Drummondville qui sont toujours au premier rang de la section ouest avec une fiche de 10 victoires, 3 défaites, une défaite en prolongation et une défaite en fusillade, 22 points. Ils sont en ce moment deuxième dans la ligue à égalité avec les Wildcats de Moncton. On surveille beaucoup du côté des Voltigeurs de Drummondville. Sean Couturier, qui depuis le début de la saison a 20 points, qui est probablement un des meilleurs espoirs de l'encan de la Ligue nationale cette année. Et André Pala, quant à lui, là, 18 points. depuis le début de la saison. Ce soir, les Voltigeurs sont du côté de Rimouski et dimanche, ils reviendront du côté du centre Marcel Dion alors qu'ils recevront les puissants juniors de Montréal. Maintenant, on passe du côté des Tigres de Victoriaville qui ont connu une semaine très difficile, les pauvres Tigres. Tout d'abord, vendredi soir, ils étaient du côté de Moncton. Ils se sont inclinés par la marque de 6-3. Antonio Mastropietro était le gardien désigné, a été remplacé par Brendan Whitney après le cinquième but. Ensuite de ça, samedi, on avait quand même trois matchs en trois soirs là pour l'élite de Victoriaville dans les Maritimes. On a perdu le deuxième match 5-1 face au Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. C'est Philippe Paradis qui a été la grande vedette du match. 2 buts, 1 passe, justement, l'ancien du Cataract, qui sera ce soir au Centre Bionès. On a été ensuite défait dimanche par la marque de 4-2 contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Donc, 3 matchs en 3 jours et 3 défaites. Je te dirais que dans ce temps-là, le retour des Maritimes dans l'autobus est très, très long. C'est pénible. Très long et pénible. Donc, 3 défaites pour l'éthique de Victoriaville. Et mercredi soir, ils étaient de retour du Colisée des Jardins. Ils recevaient la visite du junior de Montréal. Non, c'est hier soir, désolé. Ils ont été défaits par la marque de 4-3 devant le junior de Montréal. C'est Louis Leblanc qui a été la grande vedette du match avec 1 but et 1 passe. Louis Leblanc, on sait, un des futurs joueurs du Canadien de Montréal. Du moins, on l'espère. On l'espère, c'est certain. Donc, les Tigres de Victoriaville ont une fiche jusqu'à maintenant de 6 victoires, 9 défaites, donc 4 défaites de suite là, pour les Tigres de Victoriaville. Ça va pas très bien pour eux. 1 défaite en fusillade depuis le début de la saison avec ça. Philippe-Michael DeVos est la grande vedette des Tigres de Victoriaville, même si son équipe ne gagne pas. Lui, il compte quand même. Il est deuxième marqueur en ce moment de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, les Tigres de Victoriaville, ce soir, tenteront là, d'arrêter leur série noire, mais ils l'auront pas facile parce que c'est les Remparts de Québec qui seront du côté du Colisée de Desjardins. Pas le meilleur pour un tour, là. Non, c'est ça. Eux qui n'ont toujours pas perdu en temps réglementaire depuis le début de la saison. Bon, mais quelques petites nouvelles aussi du côté du hockey junior. On aurait pu remarquer dans les dernières semaines beaucoup de changements d'entraîneurs au sein de la Ligue. Tout d'abord, la semaine dernière, on a congédié du côté du Drakkar de Baie-Comeau Stéphane Hinz, qui a été congédié. On l'a remplacé aujourd'hui par Éric Dubois. Donc, ce sera lui le prochain entraîneur des Drakkar de Baie-Comeau. Ensuite, les Mousses d'Halifax y ont plutôt remercié Cam Russell du poste d'entraîneur. Il restera quand même. Pas mal la même chose. Non, parce qu'il va quand même rester directeur général de la formation. Okay, okay. Donc c'est pour ça qu'il s'est pas congédié. Là, c'est pour ça que. En effet. Donc c'est l'adjoint. Non, c'est le propriétaire Bobby Smith qui sera le l'entraîneur par intérim pour le moment. Le Bobby Smith. Le Bobby Smith. Je savais pas que Bobby Smith est actionnaire. Propriétaire des Mousses d'Halifax. Okay. Ce côté, hier, on apprenait aussi maintenant que le Titan de Caddy Batters, ont vraiment congédié l'entraîneur Ron Schulz. Surprenant comme décision. Le Titan de Caddy Batters, qui en ce moment sont une des bonnes équipes de la Ligue, je vous dirais qu'ils sont deux ou troisième dans la section maritime, je peux pas vous le dire parce que malheureusement, le classement sur le site ne fonctionne pas. Donc, encore une fois. Hein, depuis quelques jours même, là, d'ailleurs. Donc, on en a parlé la semaine passée pénible. Des déboires là, du site. Écoute, je vais essayer de t'aider. Je vais aller voir sur le site de la Hockey Database. Écoute, la Bible des Bibles des Bibles. Si je pourrais pas l'avoir parce que sinon, toi-tu là. Non, malheureusement, non, Philippe, ça ne marche pas. La plupart des liens, justement, se redirigent vers le site de la LGMQ, puis ça fonctionne pas non plus. J'ai essayé quand même quelques endroits. Mais bon, tout ça pour dire que les Titans de Caddy Batters, malgré leur excellente fiche, ont congédié l'entraîneur-chef Ron Schulz. Est-ce que tu as l'information? Non, malheureusement, il n'y a rien à faire. Là. Le site ne fonctionne pas, et malheureusement, on est esclave de la technologie. Ce matin, là, il faudrait aller fouiller dans le journal. Là, ouais, mais c'est le journal, il est loin. Malheureusement. Vas-y, j'ai trouvé où tu es sorti, moi, de dire ça. OK, donc, dernière petite nouvelle. Les joueurs pour la Super Série Subway ont été donnée la semaine dernière sur la Super Série Subway. Cette année, ça va se dérouler le 8 novembre du côté de Saint-John et le 10 novembre du côté de Drummondville. Donc, la formation a été nommée. On va y aller rapidement quand même. Du côté des Cataractes de Shawinigan, le capitaine Michael Bournival a été nommé sur l'équipe des attaquants. Qui affrontera bien sûr la Russie dans ces deux matchs-là. Ensuite, du côté des Voltigeurs de Drummondville, on peut compter le défenseur Jean-Philippe Mathieu et les attaquants Jonathan Brunel. Du côté des Tigres de Victoriaville, c'est Brendan Hines qui sera le représentant là, pour les Tigres. Du côté des gardiens de but de l'alignement, les gardiens de but dans l'alignement seront Jean-François Bérubé du Junior de Montréal, Maxime Clermont des Olympiques de Gatineau et Olivier Roy du Titan d'Acadie Batters. Les défenseurs Nathan Beaulieu, Nicolas Delaurier, Simon Després, Jérôme Gauthier-Leduc, Brendan Gormley et Ryan Cavana. Du côté des attaquants, Guillaume Asselin, Michael Bournival, on en a parlé, Jonathan Brunel, Charles Couturier aussi, bien sûr, qui est une des grandes vedettes de la Ligue. Jonathan Huberdeau aussi, qui fera sa première apparition dans cette série-là. On pense aussi à Louis Leblanc, du Junior de Montréal, qui fera partie de l'équipe. Philippe Lefebvre, Trevor Parks et Zach Phillips. Donc, une bonne formation. En espérant que ce ne soit pas aussi, je trouve, inutile que l'an dernier. En tout cas, je trouve que la série est dépassée au niveau de son concept. Donc, avec classement, en terminant, Pierre-Luc, je te dis ça. Dans l'Atlantique, Moncton, toujours premier avec 24 points. C'est suivi de Saint-Jean avec 21. Dans la section Estelus, les Remparts, donc toujours invaincus, avec 23 points, suivi de Rimouski et Lewiston à égalité. Bonne saison pour Lewiston, 8 et 6. Et dans l'Ouest Estelus, la section qui nous intéresse le plus, Drummond, toujours premier, 22 points, suivi du Junior de Montréal qui gruge la pente, pas gruge la pente, mais gruge la différence. On a eu une imitation. Je me suis péronisé ce matin, en tout cas. Montréal et Shawinigan sont au 4e rang avec 15 points à 2 points de Val d'Or et avec 1 point d'avance sur Gatineau. Ben écoute, à surveiller ce soir le match des Cataractes de Shawinigan qui recevront la visite du Rocket de l'île du Prince-Édouard. Les Cataractes qui seront vêtus de rose pour la cause du cancer du sang. Dans ma quête du nouveliste, j'ai manqué votre fin de chronique, mais est-ce qu'Anton Zlobin va être de retour ce soir pour les Cataractes? On va voir ça. J'ai pas l'information. Donc, on s'en va en musique avec quelque chose qu'un gars qui trompe sa blonde dirait. Je m'excuse, je t'aime, des vulgaires machins. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est Fou. Faire ton chemin de croix. Est-ce qu'il le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant superbe! C'est un, dans son cas là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. L'un conduit de partie. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. Hugues Machin avec la chanson « Je m'excuse, je t'aime ». Et on y va tout de suite avec le soccer parce que, comme d'habitude, on a dépassé, on manque de temps. Ben oui, ben je t'enligne ça assez rapidement. En fait, dans la Barclays League, on avait Aston Villa qui affrontait Chelsea dans un match super important pour Chelsea et aussi pour Aston Villa. Chelsea, en fait, qui voulait conforter son avance en tête et Aston Villa qui voulait justement tenter de rejoindre le peloton. Eh bien, ça s'est terminé 0-0. John Terry, le capitaine du côté de Chelsea, qui a célébré son retour avec un carton jaune et en milieu de match. Et Nicolas Anelka qui en fin de match a vraiment passé très très proche de donner la victoire à Chelsea. Sa tête était, ben pas sa tête oui, physique oui, là, mais comprend. Bon c'est bon, sa tête a abouti sur la barre transversale et ensuite sorti du terrain. Donc quand même Chelsea qui a passé très proche. Arsenal affrontait Birmingham City dans un match également très important dans le haut du classement pour Arsenal qui l'emportait 2-1 contre Birmingham. Des buts entre autres Chamakh et Nasri. Donc Chamakh qui poursuit son arrivée avec Arsenal en célébrant avec environ un but par match. Zigic a donné la riposte du côté de Birmingham. Ensuite Tottenham affrontait Fulham. Également un match très important pour Tottenham qui tentait de devancer Manchester United au classement. Ça s'est terminé 2-1 pour Tottenham, donc début de Pavlyuchenko et de Huddleston. Du côté de Fulham, c'est Kamara qui a donné la riposte. Donc on en parlait, Manchester United qui jouait un peu sa position au classement en affrontant West Brom Albion qui également était une autre des équipes qui pouvait le dépasser. Match nul de 2-2, donc Nani à la 25e a suivi Hernandez qui lui avait marqué à la 5e et la riposte est venue en deuxième demi du côté d'Albion, Evra à la 49e et Choyi à la 54e. Donc ce match nul fait reculer Manchester United au 4e rang de la Barclays League. Je vais vous parler du classement un petit peu après, un petit peu plus tard. Liverpool continue sa descente aux enfers malgré la vente dont je vais vous parler également. Comme on dit dans leur colloque. Ah oui, non, c'est... Mais bon, la vente a été officialisée, je vais vous en parler un peu plus tard. Liverpool qui a perdu contre Everton. Du côté d'Everton, c'est Cahill à la 33e et Arteta à la 49e qui ont marqué. Donc Everton qui est un peu... bien, qui est en milieu de peloton, mais qui lâche pas, qui espère encore aboutir dans le haut du classement. Ce serait une belle surprise pour Everton cette année. Manchester City affrontait Blackpool et Manchester City l'a emporté 3-2. Grosse victoire du côté de Manchester City. Les marqueurs du côté de Blackpool, c'est Harewood à la 78e ainsi que Taylor Fletcher en fin de match à la 90e. Pour Manchester City, Tevez à la 67e et à la 79e ont marqué. Et puis Silva qui également à la 90e minute a marqué. Donc une fin de match très très très excitante. En fait, tout s'est passé dans la dernière demi-heure dans ce match. Fait à noter un peu triste, seulement 16 000 personnes au stade pour cet affrontement. C'est dommage parce que, bon, oui, on affrontait Blackpool, mais quand même, Manchester City qui a une très, très bonne saison. Oui. Et peu de gens dans les gradins. As-tu déjà vu comment le stade de Manchester City est fait? Non. Écoute, c'est un ancien stade pour les Jeux du Commonwealth. Non, ça pas mal. Non. Donc, ah ouais, ah ouais, donc je t'explique ça. Okay. Donc, on sait, stade d'athlétisme vient avec une grande piste et tout ça. Donc, on a fait de stade pour les Jeux du Commonwealth, je ne sais pas, admettons, 30 000 places, 25 000, 30 000 places. Et une fois les Jeux terminés, à la base, c'est un très beau stade. On a enlevé la piste d'athlétisme et on a creusé le sol. Et ensuite, on a rajouté des gradins où est-ce qu'on avait creusé. Donc, où est-ce que les anciens gradins commençaient. On est venu rajouter en bas de ça des nouveaux gradins de chaque côté. Donc, les gens en première rangée sont environ à la hauteur du terrain. Non, non, on a vraiment creusé. Écoute, je te dirais, on a peut-être creusé un 8-10 mètres. Là. Ah, OK. Donc, on a abaissé le terrain également. Donc, le terrain est ben, un peu comme, si on peut dire, souterrain, comme on retrouvait quand je suis allé à... Bon, on pourrait parler du Peps. Oui, c'est pas le cas aussi. À New England, l'ancien stade de Gillette Stadium. Ouais, le stade des Giants aussi à San Francisco, qui est un peu plus bas. Ça se peut, qui est un peu plus bas que le niveau de la mer, là, en fait. Donc on ayant creusé ça, on est venu, en enlevant la piste d'athlétisme, on a pu rajouter des sièges pour être plus près du terrain. Et se retrouver avec un stade, au lieu d'avoir un stade pour Manchester City, le club de soccer, et un stade pour les Jeux du Commonwealth qui était disputé à Manchester en 2002, si je ne me méprise pas, on se retrouve avec une infrastructure pour tout le monde, puis qui fait le plaisir de tout le monde, au contraire de le stade olympique, oui. Où est-ce qu'il n'y a pas personne qui est heureux dedans. Effectivement. Sauf les Monster Trucks. On poursuit pendant que tu nous fais cette magnifique interprétation de Monster Truck. C'est ça fait un Monster Truck. Avec le classement. Donc, Chelsea toujours en tête avec 19 points. Manchester City qui se rapproche avec 17 points. Donc, Manchester City qui pourrait causer une surprise dès la semaine prochaine. Arsenal, Manchester United et Tottenham suivent avec 14 points. Donc, justement, là, Manchester United, comme on le mentionnait la semaine dernière, se fait un peu rattraper par Tottenham et Arsenal. Ça va moins bien dans la Barclay League pour Manchester. Un peu mieux dans la Ligue des Champions. Je vous en parle tantôt. Et West Brom, qui, avec 12 points, est toujours tout près derrière. C'est Bolton et Aston Villa qui suivent avec 11 points chacun. Et par la suite, ben là, ça dégringole assez rapidement. Des nouvelles de la Barclay League, en fait, la semaine dernière, immédiatement après la fin de notre émission, Liverpool a été vendu officiellement au New England Sport Venture. Donc, enfin, Liverpool va avoir des propriétaires compétents dans le sport. ça va être très, très bon, selon moi, pour Liverpool. Tu as fait un bel job à Montréal. J'ai dit, enfin, Liverpool va avoir des propriétaires compétents dans le sport. Dans le soccer. Même pas. Dans le sport. même son équipe de NASCAR va pas bien. C'est vrai. Également, le 19 octobre, on apprenait, donc 19 octobre, c'est en milieu de semaine, c'est mercredi. Donc, on apprenait qu'Alex Ferguson, l'entraîneur de Manchester United, confirmait que Wayne Rooney voulait quitter Manchester United, insatisfait des décisions prises par la haute direction. Eh bien, la haute direction a répondu immédiatement après, en fait, hier soir, en fin de journée, en lui accordant un contrat, une prolongation de contrat de 5 ans. Donc, Wayne Rooney qui reste jusqu'en juin 2015. C'est pas de même, ça marchera au hockey, hein? Oui, mais je te l'ai dit la semaine passée, c'est pas du tout la même mentalité. Je sais, mais c'est étonnant qu'un joueur dise « je veux quitter » et pour pas qu'il quitte, parce que là, il voulait quitter parce qu'il avait été benché un peu, puis pour pas quitter, on lui fait signer un nouveau contrat. C'est ça. Je veux dire, Wayne Rooney, c'est quand même le meilleur marqueur. Je sais, du côté de la ligue anglaise. Je comprends ça, mais c'est de la façon de faire qui me surprend toujours. Oui, mais c'est très différent au niveau de la... C'est moins... les joueurs sont moins des PME que dans le hockey. Bon, des salaires plus grands, là, mais sont moins soumis à leur propre volonté. Dans le sens où Sheldon Surrey qui déclarait il n'y a pas si longtemps vouloir quitter Edmonton, ben tu veux quitter Edmonton, mon grand, on va faire tout notre possible pour que tu t'en ailles, puis si on réussit pas, ben, on t'envoie des mineurs. Il n'y a aucune chance que ça arrive au soccer, encore moins avec un joueur de la trempe de Wayne Rooney. Surtout au niveau qu'il y a plus de clubs, ça aussi, il y a plus de ligues, il y a plus de... Bon. Ensuite, on y va du côté de la Ligue des Champions qui allait pour sa troisième manche, sa troisième journée la semaine dernière également, ce qui marquait le milieu du calendrier pour la Ligue, les phases de groupe. Real Madrid affrontait l'AC Milan dans ce qu'on attendait à être le match de l'année, qui finalement n'aurait eu lieu que d'un seul côté et dans une seule demi. Real Madrid l'emporte 2-0 contre l'AC Milan, début de Cristiano Ronaldo à la 13e et de Ozil à la 14e. Un but très chanceux de la part de Ozil, en fait, qui a dévié sur un défenseur. Ensuite, on s'en va du côté de Arsenal contre Shakhtar Donetsk. Arsenal qui l'emporte 5-1. Vraiment une immense victoire. Début de Song, Nasri, Fabregas, Wilshire et encore une fois Chamakh. Du côté de Shakhtar Donetsk, c'est Eduardo qui a donné la riposte à la 82e minute. L'OM a finalement trouvé le moyen de gagner un match. C'est contre le MSK Žilina et c'est Diawara à la 48e minute qui a marqué. Donc l'OM qui l'emporte 1-0. Le Bayern de Munich contre le CFR Cluj, un match que je voulais vous parler qui est très triste en fait. Donc Bayern qui l'emporte 3-2. Mais ce sont des deux buts contre leur camp des joueurs du Cluj qui ont fait gagner Bayern, en fait. Donc, Kadou à la 32e contre son camp faisait le match, annulait le score 1 à 1. Et ensuite, 5 minutes plus tard, c'est Panin également contre son camp qui donnait les devants au Bayern 3 à 2. Coulio est venu égaler la marque à la 86e minute. Et Gomez à la 60... pardon, Coulio est venu... et là, tu me fais des signes de Coulio, ça me fait trop rire. Mais Gangsta's Paradise. Mon enfance, c'est ça. Donc, je recommence du côté de Bayern. C'est à la 77e minute qu'on est venu faire 3 à 1. Et Cluj, à la 86e minute, du pied de Coulio, a fait 3 à 2. Ensuite, Chelsea affrontait le Spartak de Moscou. Chelsea l'emporte 2-0 dans un match relativement facile. Début de Zirkov à la 23e et Danelka à la 43e. Ensuite, Manchester United, qui va beaucoup mieux dans la Ligue des Champions que dans la Barclays, l'emporte 1-0 contre Bursaspor. Un but de Nani en début de match à la 7e minute. Un match qui aurait pu passer à l'histoire entre l'Inter de Milan et Tottenham. L'Inter de Milan qui mène 4-0 à la demi, début de Zanetti à la 2e, Eto'o sur un penalty à la 11e et à la 35e, et Stankovic également à la 14e minute. Donc 4 buts en première demi. Et ensuite, on se transporte en deuxième demi, fin de deuxième demi, à la 52e, Bale qui y va d'un but. En entrant sur l'aile à gauche. Oui, écoute, il est rentré. Deux buts similaires même lui pour lui dans le match. Ça va être même trois buts similaires pour lui dans le match. Donc, à la 52e qui entre à l'aile gauche, marque dans la lucarne, dans le petit filet. À la 52e, par la suite, à la 90e minute en fin de match, réitère l'exploit un but à peu près identique. Et à la 91e minute, même chose encore, Bell qui marque cette fois un peu différent, mais du même endroit. Donc c'était 4-3 et heureusement pour l'Inter de Milan, le quatrième arbitre avait décidé de n'accorder que 2 minutes supplémentaires, ce qui a permis à l'Inter de se sauver avec la victoire. Peut-être rapidement un tour au niveau du classement en cette mi-saison. Dans le groupe A, c'est l'Inter Milan qui mène avec 7 points. Dans le groupe B, c'est l'Olympique Lyonnais qui mène avec 9 points. Dans le groupe C, c'est Manchester United avec 7. Groupe D, Barcelone avec 7. Mais Kobenvan est très proche avec 6. Dans le groupe E, c'est le Bayern qui s'en va seul en tête avec 9 points. Chelsea, 9 points dans le groupe F, 9 points également pour le Real Madrid dans le groupe G, et dans le groupe H, c'est Arsenal qui mène avec 9 points. Rapidement, je voulais vous parler de l'Impact. L'Impact qui a été éliminé en Caroline dimanche dernier. J'ai écouté le match, là. J'ai donc hâte qu'on soit en MLS. C'est pas une question d'MLS, selon moi. C'est une question d'arbitrage nord-américain qui est pathétiquement épouvantable. Non, je parle pas de ça. Je veux dire, au niveau du fait qu'il y avait une caméra... Ah ouais, non, niveau... ça, c'est quelque chose d'épouvantable. Mais en fait... C'est très, très, très difficile là, au niveau du soccer. Ça me rappelle un peu le match que l'Impact a perdu contre le Santos Laguna au Mexique. Mm-hmm. Les trois derniers buts du Santos Laguna étaient sur des hors-jeux clairs, nets et précis d'environ 3 pieds. Même chose encore pour éliminer l'Impact. Un but qui est refusé à l'Impact en fin de match qui aurait donné la victoire au total des buts à l'Impact qui a été refusé sur un hors-jeu alors qu'il n'en avait pas. Et le deuxième but des Raylocks qui a été environ hors-jeu de 87 pieds. On rappelle que la distance est d'environ 130 pieds au total d'un terrain. Qui a été accordé. Donc ça, à ce niveau-là, les joueurs de l'Impact étaient très, très, très mécontents. L'entraîneur aussi. Qui ont même failli faire un mauvais parti à l'arbitre. Ouais, Adam Braz a dû être restreint. Rocco Placentino aussi des latins, hein? Ben oui. Des latins. Mais j'aime mieux voir l'Impact comme ça que de voir le Canadien s'incliner avec la queue entre les jambes. Ouais. Ali Gerba, bonne nouvelle, est choisi sur l'équipe d'étoiles de la USSF. Donc, Ali Gerba, qu'on le rappelle, 9 buts en 13 matchs. Une fin de saison incroyable pour le grand attaquant montréalais. Et dernière nouvelle de l'Impact, selon le site canoë.ca, on apprendrait que Matt Jordan voudrait revenir avec l'Impact en MLS en 2012. Donc, ça pourrait être très intéressant de voir... ce que Matt Jordan pourrait amener à l'Impact. Pourquoi... je veux dire, pourquoi il quitterait, premièrement? C'est qu'en fait, son contrat arrête. Son contrat se termine logiquement, l'Impact n'a pas de raison de ne pas le re-signer. Ah, non, je sais bien, mais... Qui dit MLS dit automatiquement hausse de salaire, donc ils n'ont pas de raison, de raison de s'en aller. Non, mais le gardien Jankovic, quand même, du côté de l'Impact, fait un travail incroyable lorsqu'il est devant le filet. Donc peut-être Jordan veut assurer la haute direction de l'Impact qu'il est intéressé à rester avec l'équipe. OK, c'est une façon de faire ça. Oui, c'est de la stratégie. T'étudiais pas du marketing, toi, hier? Ouais, mais. Ouais, t'as étudié Yang Dan. En ligne, c'est pour ça. Ouais, en ligne, et d'ailleurs avec moi qui le dérangeait. Si t'aurais vu comment mon examen a été, t'aurais compris que j'aurais pas dû. T'aurais pas dû étudier? Non, j'aurais pas dû juste m'inscrire au cours. Ah! À ce point-là, attends d'avoir ta note avant de désespérer. Ah non, tu sais, quand tu le sais d'avance. Ouais, je comprends. Donc, c'est ce qui conclut pour le soccer cette semaine. Oui. On passe à une pause. Au retour, JB Grenier va nous parler football. Et je vais être pas mal ça parce qu'on a plus bien grand temps pour l'émission. Vous écoutez l'Inconduite de Partie sur les ondes de C'est Fou. Pour nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com. Notre site web, inconduitedepartie.com. Bon. Il était beau, il était fort. C'est fou ça. Un peu nono, un peu coquin. 89 mains. Chien, moi, c'était mon grand ami. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduit de partie. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie et on accueille présentement JP Grenier. Hey, salut les gars. Ça va bien? Yes, yeah, ça va super bien. Alors JP, parle-nous football. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le merveilleux monde? Football canadien, Rouge et Or et toutes les autres équipes. D'abord, football canadien, pas une grosse semaine. On a eu 3 matchs à l'affiche la semaine passée. Premièrement, Laval qui ont battu Bishop 62-0. On pensait que Bishop allait avoir beaucoup... On pensait juste au moins une chance, quelque chose. Au moins une chance, hein, que le Bishop qui était deuxième au classement puis qui surprenait tout le monde depuis le début de la saison, s'est fait littéralement écraser par Laval qui n'ont pas donné pas toute de chance. Donc, je trouve ça dommage. C'est à voir pour cette semaine. Laval qui rencontre les Redmen. Donc, si on gagnait 62 à Bishop, 62-0 contre Bishop... Qu'est-ce que ça va être contre les Redmen? Donc, dans les autres matchs à l'affiche qu'il y avait... JP, j'aimerais avoir ton analyse sur le fait que Bishop se soit fait planter autant que ça. Qu'est-ce que ça représente au niveau de, comment dire, ce que Bishop vaut? De ce que Bishop avait accompli aussi au courant de l'année. Et ça peut te faire mal, une défaite de même. Je veux dire, Montréal est capable de rivaliser. Sherbrooke s'en est tiré un petit peu plus. Puis Bishop, son deuxième au classement, arrive à Québec puis se font démolir comme ça. Est-ce que Bishop l'ont juste échappé ou est-ce que il y a vraiment, comment dire, les Gators valent pas ce qu'ils valent, ce qu'on pensait qu'ils valaient? Ben écoute, c'est peut-être la préparation aussi. Là, on sait que Laval sont prêtes à tous les matchs. Peut-être qu'ils voulaient leur montrer c'est qui la vraie équipe dans la ligue. Bishop ont quand même une excellente équipe de ce que j'ai vu. Je pense pas que ce match-là reflète vraiment ce qui est vraiment l'équipe là. Ils l'ont tout simplement échappé d'après moi. Puis, c'était peut-être les facteurs aussi. On joue à Québec, c'est intimidant. Non, écoute, ils l'ont échappé. De toute façon, une défaite, ça reste une défaite. C'est sûr que c'est pas la meilleure façon. Sauf que, moi, je les mettrais pas pour battus, là. Le meilleur reste à venir dans leur cas, je pense, cette saison-là. Surtout qu'Andrews, qui est tellement excellent, puis qui peut faire la différence à lui seul. Sur toute cette semaine, la rencontre Sherbrooke. Donc, ça va être un bon moyen pour Bishop de se remettre sur les rails. Sinon, les Carabins ont battu les Redmen 30-7 dans un match sans histoire, vraiment. Là, les Carabins qui ont été en contrôle tout le long du match. Puis, le match qui s'est avéré le meilleur. Le meilleur qui ont gagné en double prolongation contre les Stingers de 39-36. Un des meilleurs matchs de football canadien, universitaire québécois, j'ai pu voir de ma vie. Écoute, Sherbrooke qui a failli l'échapper là. Ils ont joué avec le feu. Ils jouaient avec le feu, tu dis. Il menait quoi par à peu près deux possessions, deux touchés? Exactement, en fin de quatrième quart, c'est ça. On menait par deux touchés. Stingers qui ont vraiment là, travaillé fort. Liam Mahoney, quel joueur. Il a fait la différence encore une fois. Il a tout fait, tout fait. Exactement. Il a lancé le ballon, il a couru avec, il l'a attrapé. C'est vraiment le joueur clé chez les Stingers. On n'a pas le choix. Laval qui ont fait vraiment gros l'échapper. Par exemple, ils ont été excellents en prolongation, surtout en attaque. Là. Ils ont été très forts sous la pression. Ce que je suis déçu, la foule. Je sais pas, le match était présenté à Radio-Canada, puis il était environ 6 dans les estrades. C'est que ce qui arrive, de la façon que le stade est fait à Sherbrooke aussi, il y a un côté qui est, bon, les fameux, ce qu'on appelle les bleachers, les estrades populaires, sous bois pas confortable, puis de l'autre côté, où est-ce que c'est couvert, puis des sièges confortables et tout. Écoute, j'ai pas la foule là, pour le match, là, mais c'était. En effet, ça avait l'air bon pas mal. Là. Il y avait à peu près une centaine de personnes du mauvais côté. Là. C'était pas élégant, les gars. Donc, c'est plate. Sherbrooke sont renommés pour avoir une bonne foule, pour avoir un beau stade. C'est tout le temps une force à domicile. En plus, c'était tellement un excellent match. Là. Écoute, c'est la relâche. Peut-être les gens ont décidé de s'en aller chez eux au lieu de... Surtout que l'Avalanche ne montre pas une très bonne fiche cette année. Donc, on va voir. Contre McGill, ça va être le dernier match à domicile. Là. Je risque d'y aller. Là. On va voir ça. Mais là, la victoire de Duval et Haas, ça les positionne quand même très ça bien. Ça les positionne très bien parce que là, ils passent devant les Stingers au classement. Là. Donc, on peut encore espérer du côté de Sherbrooke d'aller rencontrer Laval en première ronde. Exactement, ça sera entre Concordia et Vaillard. Dans le fond, le match contre Bishop, là, regarde, il l'échappe, c'est probablement la fin. Il gagne, on s'en va en série en tour, puisque Concordia, en vertu de l'égalité, ce serait le Vaillard qui passerait devant, non seulement par les points pour compte, mais aussi parce que le Vaillard ont gagné, on les Stingers. Donc, écoute, ça va être une excellente semaine cette semaine. Là, les matchs à venir, justement, Sherbrooke à Bishop pour la Coupe du Maire, Laval contre McGill, ça, on n'en parlera pas vraiment. Puis Concordia à Montréal, là, Concordia même qui joue leur saison là, encore. Pas le choix, là. Eux autres non plus, là. Ils l'auront pas facile, là. Montréal qui sont... Ils sont déterminés à se reprendre pour leur défaite contre Bishop puis contre Laval. Et... En plus que c'est leur comme rivaux de territoire, là, ouais. Si on veut. Là. Donc, c'est ça. Grosse semaine à venir, à part peut-être Laval contre McGill. Donc, dans le fond, c'est l'avant-dernière semaine avant la fin. Sinon, le classement, rapidement, là, Laval qui sont premiers avec 7 victoires. Les Carabins, deuxième, reprennent leur place avec 5 victoires. Les Gaileuses, pareillement. Sherbrooke dépasse Concordia avec 3 victoires et puis finalement là, les Redmen qui complètent le classement avec 7 défaites depuis le début de la saison. Donc c'est tout pour le football canadien. Football américain, mon JP? Football américain. Pas une grosse semaine aussi, là, quelques éléments intéressants à retenir quand même. Oregon qui sont rendus premiers. Écoute, Ohio State, ça n'a pas fait long feu au premier rang. Ont déjà perdu là, contre Wisconsin, donc match qui était à surveiller la semaine passée. Ça a fini que les Badgers de Wisconsin l'ont emporté quand même assez facilement, je l'avoue, je suis surpris. Oregon qui jouait hier, jeudi soir, ils ont écrasé UCLA, donc comme premier match au classement, je pense que c'est la première fois dans la histoire qu'ils sont premiers. Écoute, ça augure très bien. Je t'offrai pas toute l'année à endurer les chandails laids d'Oregon. Je serais pas capable. Écoute, hier, il était jaune. Ah, oh, t'as... C'est Nike, là, qui... Connais-tu, Philippe, l'histoire des chandails d'Oregon? C'est que là... Non, ben, je les vois chaque semaine et à toutes les semaines, en fait, justement, là, je constate que c'est d'une laideur, mais s'il y a une histoire derrière ça... C'est que la place où est-ce que Oregon joue, c'est le siège social de Nike qui est là. Donc, Nike s'amuse à leur faire des chandails et des chandails et des chandails, tous plus ridicules les uns que les autres. Des ailes sur les épaules, j'ai le goût de vomir parfois quand je vois ça. Et je suis présentement sur le site de ESPN à la section College Football. J'ai une belle image de ça, c'est dégueulasse. Ils sont vraiment laids. Parce que les ailes, c'est à peu près la chose à moins pire depuis des années. Il y avait ce qu'on appelle en anglais là, du diamond plate, là, on va voir ça sur les trocs puis les. C'est de la genre de grip pour pas glisser sur du stainless steel. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. En diamant, là, des petites coches en diamant, là, c'était ça qu'il y avait sur leur équipement. Là. Un autre trip de Nike. OK. Là. Ouais. Ah, ce gars, c'est difficile, les chandails. Mais là, de les voir premiers, là. Aïe, aïe, ça va être difficile pour les yeux. Donc, écoute, d'avoir Oregon premier, qui maintenant est au deuxième rang? C'est Boise State, les Broncos, qui, eux, tiennent bon. Écoute, là, tantôt, je vais faire comme là, c'est la mi-saison, je vais faire un petit aperçu ce qui reste pour le reste de l'année, mes prédictions. Mais là, Boise State, les Broncos sont deuxièmes. Il y en a gros qui espèrent les voir premiers. Je pense que dans le fait de jouer dans une mauvaise division, aide pas. Sauf que Oregon sont vraiment solides. Avec la Michael James, leur porteur de ballon, qui fait vraiment tout sur le terrain. Écoute, on va peut-être avoir un championnat national à Oregon Boise State. Mais là, ce qui se passe, les rankings, les classements du BCS est sorti cette semaine? Oui. Oklahoma sont classés premiers. dû à la difficulté de leur cédule. Écoute, moi, ce que j'ai depuis SportsIllustrated.com, ESPN, College Football, non, c'est ça. Dans le fond, ça dépend. T'as le BCS, t'as l'Associated Press Top 25. Moi, je me fie au Top 25 comme d'habitude. Là. Mais le BCS, c'est parce que dans le fond, c'est que clairement, on a rencontré des équipes pas mal meilleures. Oregon, puis Boise State, puis ça, il prend en considération. C'est ça qui arrive, mais c'est qu'on sait que pour le championnat national, c'est le classement BCS qui compte. Donc, exact. Oklahoma est premier. Boise State, c'est donc loin d'être fait. Puis t'as Auburn qui commence à chauffer les fesses. Donc, Auburn et LSU qui s'en viennent, qui sont tous 7-0, 7-0 les deux. Penses-tu que Boise State, ça va leur rattraper leur cédule faible? Ben, écoute, t'as Oklahoma, là... Ils jouent dans une conférence pas facile. Il reste encore des gros clubs pour eux à affronter. Ça va être dangereux, mais l'équipe est tellement solide. Non, Boise State, ça va leur rattraper comme à tous les années. Pourrait finir avec une fiche gagnante de 12-0, puis même pas aller au championnat national. Donc, non, je l'espère, mais c'est ça, là, Oregon, écoute, sont surprenants. Sinon, Auburn, je l'ai parlé un peu, là, leur carrière, Cam Newton, qui est... Le favori pour l'Iceman cette année, quel carrière. Lui, dans le fond, c'est l'ancien second de Tim Tebow en Floride. Puis quand il a vu que Tebow allait revenir pour sa saison senior, a eu quelques problèmes avec la justice aussi, a décidé d'aller jouer... J'ai aimé le ton sur lequel t'as dit ça. T'es allé jouer aussi au Junior College, puis il a décidé d'être transféré à Auburn pour avoir plus de temps de jeu. Donc, ça l'a payé pour lui. Lui qui a à peu près 900 verges de verges au sol, puis 1300 verges par la passe, en plus d'avoir 25 touchés à date. Donc, c'est vraiment là, un gros joueur, 6-6-6, grand carrière mobile. Donc, c'est lui qui mène au burn. J'ai vu leur match contre Arkansas en fin de semaine passée. Puis, écoute, le match s'est terminé quelque chose comme 65 à 46. Il y a eu plus que 100 points. Puis, ça a été la plus grande partie, dans le fond, dans le SEC, qui ont marqué des points, donc quel bon match de football. J'aime ça les matchs défensifs, sauf que là, c'était vraiment un festival offensif. J'ai adoré ça. Donc, ça complète... JP, as-tu vu le match de Nebraska? Ouais, qui l'ont échappé. Ben ouais. Contre Texas, c'est ça, on avait parlé un peu la semaine passée. Nebraska, qui avait une grosse défensive, s'est écroulé. Là, Garrett Gilbert, qui est incroyable comme carrière, un futur peut-être numéro 1, au repêchage. Les Longhorns sont surprenants cette année. On ne pensait pas les voir là. Puis encore une fois, Mac Brown va récolter une saison de 10 victoires. Donc, ça fait deux équipes là, en deux semaines qui aspirent au championnat national. Qui se font, ouais, ça tombe comme des feuilles. Ouais, ouais, ouais, qui se font battre par des équipes et, un peu plus... Donc Nebraska qui était 5e tombe 14e. Ça fait une grosse drop, là, comme on dirait en anglais. Puis Ohio State qui tombe 11e. Donc, de premier à 11e, c'est là qu'on voit la différence. Une défaite seulement peut faire une grosse différence dans leur année. Ça sera pas plus facile pour Nebraska, là, parce qu'on affronte Oklahoma State qui sont 14e et Missouri qui sont 11e dans les deux prochaines semaines. Puis c'est ça. Puis Ohio State, en plus, perd peut-être, même chose pour Nebraska, leur chance de gagner le championnat de conférence en ayant des défaites. Parce que quand tu t'affrontes entre rivaux de division de conférence, puis tu perds, ben ça tente tes chances pour le championnat de conférence qui est quand même un bel honneur à remporter pour les joueurs. Donc, c'est la moitié de la saison déjà. Beaucoup de surprises, là, Michigan State qui se hisse tranquillement pas vite au sommet. Une grosse équipe encore. Oklahoma, sans me vanter, j'avais prédit que s'il finirait premier cette année au début de la saison. Je suis bien parti. Écoute, si je te rappelle bien, moi et JP, on avait pris Boise State. Moi, j'avais pris Ohio State. En Ohio? Ouais. Boise State, c'est facile. Tu m'as lâché. Là. Non. Virginia Tech qui s'était incliné contre... Virginia Tech qui a à peu près le logo le plus laid de toute l'histoire de la Virginia Tech s'est incliné contre Jacksonville State. Là, au début ouais, Jacksonville State, ouais. C'est ça. Ou James Madison plutôt, je crois. OK. Donc, JP, écoute, c'est pas mal ce qui conclut ta chronique. Moi, je te dirais... Quand je regarde le temps qui nous reste, c'est pas mal tout pour toi, là. Ah ouais. Et en terminant, baseball à soir, là, vite, là, vas-y, là. Les Giants surprennent. Hier, on avait un autre duel, Holiday-Lincecum, qui c'est fini par une victoire des Phillies enfin. J'aimerais ça qu'ils fassent ça en 7. Même chose pour les Yankees, là, ça serait excitant. Ah, c'est le fun. Les Rangers s'exhaustent. Quelle offensive. Incroyable. Non, on a des super bonnes séries encore cette année, puis je suis content de voir les équipes qui sont pas là d'habitude. Ça fait changement, puis c'est agréable à voir. Oui, ben j'ai hâte de suivre ça encore ce soir, parce que là, tu vas avoir... Ce soir, c'est... Attends une minute, c'est... Yankees contre Texas. Texas, donc... ça commence ce soir à 8h environ, c'est sur les zones. Ben, RDS va diffuser ça, je pense. Ouais, mais ça, je peux-tu? J'ai 30 secondes, là. Non, mettons. Et, c'est le fun, on a les matchs, là, soit à RIS ou à RDS, là, mais ils sont pas capables de cadrer l'écran. Parce qu'en fait, c'est l'image de ESPN ou de CBS qui est en haute définition ouais. Je pense de base. C'est pas faisable. Mais non, mais mettre des bancs noirs en haut en bas, puis en tout cas, c'était ma minute ouais. de chia, là. Non, je sais, j'ai le même problème chez nous quand j'écoute Fox, c'est ça que ça fait aussi. Mais on n'a pas les scores au complet. C'est sûr qu'au baseball, le score change pas nécessairement très rapidement, là. T'as le temps de le voir arriver, mais bon. C'est pas du basketball. Non, c'est ça. C'est ça, en effet. Hey, donc, te remercie beaucoup, JP. Ah ouais, pas trop. C'est bonne bon. Semaine. Bonne semaine. Yes. Hey, c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, pour nous rejoindre en studio, c'est live à commercial inconduitedepartie.com, notre site web inconduitedepartie.com. Pour Philippe Doucet, Pierre-Luc Giroux, Jonathan Bernier et JP Grenier, je suis Nicolas Ducharme. Bonne semaine. Vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur tête, leur remet mon maigre butin. Une mince pile de vin. Et suivez-vous avec mon drapeau blanc. Mon tiroir caisse. Je fus dans la mire. J'ai pensé près de venir la une dans la gazette. Je pars vite vite sur la gâchette. Je ferme la chope mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Moi qui mène une avec des balles à blanc, j'ai eu un bon coup de semence, pis la balle.